Les nouveautés de l'été que Viva vous propose. Bonne journée tout le monde et à demain. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Il y a une voiture sur le flanc. Allô? Oui. Bonjour, Eden Hazard. S'entraîne ce matin. Les Diables sont toujours à Bordeaux. Les supporters sont autorisés à les voir pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, les joueurs belges resteront entre eux. Les Diables qui vont s'envoler pour Lille. Ils jouent demain leur quart de finale de l'Euro face au Pays de Galles. Lille en noir, jaune, rouge, envahie par les supporters belges. Les chiffres les plus fous circulent. Ils seront en tout cas plusieurs dizaines de milliers, voire plus de 100 000. Autant de personnes aussi à loger. Les Portugais et les Polonais, eux, envahissent Marseille. La compétition reprend ce soir, premier quart de finale à 21h. 40% des agriculteurs belges gagnent moins de 1000 euros par mois et 3% seulement recommandent leur métier. Résultat d'une enquête demandée par FEDAGRIM, une association de sociétés d'équipement pour l'agriculture. Les agriculteurs travaillent en moyenne 68 heures par semaine, 1 sur 4 plus de 80 heures. 1 sur 3 aussi n'a pris aucun jour de congé l'an dernier. La fédération qui conclut « Nous trouvons cela insoutenable et injuste ». Action du 7K ce matin à Bruxelles devant le siège de la STIB. Le syndicat dénonce une chasse aux sorcières que mène un sous-traitant à l'égard des syndicats. Le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Théo Franken, veut pouvoir fouiller dans les GSM et les ordinateurs des demandeurs d'asile pour déceler un éventuel mensonge sur leur parcours, par exemple. Une directive européenne le permet, soutient Théo Franken. Il a déclaré cela lors d'une visite au Danemark. Le Danemark qui s'autorise à saisir l'argent des candidats réfugiés et qui annonce avoir découvert 11 000 euros dans les poches de 5 demandeurs d'asile récemment. Ils tentaient d'entrer dans le pays avec de faux documents. Cette nouvelle loi est entrée en vigueur en février. Selon la police danoise, c'est la première fois qu'elle est utilisée. La loi autorise la saisie d'argent liquide au-delà de 1340 euros ou des objets valant plus de ce montant. La météo, ce sera un temps très nuageux aujourd'hui et cet après-midi, 16 à 21 degrés. Demain, les nuages seront toujours là, 17 à 20 degrés. Un point RTBF Mobile Info avec Jean-Marc Strel, un accident sur l'autoroute 411. Oui, et on apprend l'instant que les choses s'arrangent. Pourtant, plusieurs véhicules étaient impliqués dans cet accident. À hauteur d'Overijs, l'axe Bruxelles-Namur. Il y a toujours quelques fils en direction de Bruxelles depuis Jezus-Heegh. Ce n'est pas en direction de Bruxelles, pardon, c'est en direction de Namur. Par contre, en direction de Bruxelles, sur le 411 venant donc de Namur, entre Overijs et Léonard, il y a toujours quelques ralentissements. Sur le 40 aussi venant de Gand, entre Ternat et Grand Bigard. Attention à cette voiture sur le flanc, sur le 429 tournée Halle, à hauteur de Tubize en direction de Halle. Toujours cette bretelle reliant le ring de Bruxelles venant de Zaventem à l'E19 vers Mons est fermée jusqu'à demain après-midi. Concernant les temps de parcours, circulation intérieure du ring, au titre Carrefour au titre Grand Bigard, ajouté 22 minutes. Le ring extérieur au titre Carrefour Léonard, ajouté 7 minutes. Les choses s'arrangent. Et puis dernier ralentissement dans Bruxelles, du tunnel Cinquantenaire au tunnel Leloye et dans le tunnel Rières-Centre vers le centre. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bonne matinée, on va retrouver toute l'équipe d'On n'est pas des pigeons. Merci Delphine, retour de l'info à midi. Gym Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour en Espagne a pris spectaculaire. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Hello. Ça va bien? Oh oui. 30 juin. 30 juin, t'as vu le temps qu'il fait, c'est magnifique. C'est et demain, c'est les vacances les gars. Allez hop là, on se met déjà un petit peu dans l'ambiance. C'est l'avant-dernière émission de la saison, mais on a encore pas mal de choses à vous dire. Notamment que Jean nous a contacté pour nous dire que les prix sont plus élevés au Collect & Go qu'au Colruyt. On a mené l'enquête, Fred. Oui, effectivement, donc quand on fait ses courses par internet au Colruyt, ce serait plus cher. On va en savoir plus dans cette émission. C'est un point capital, évidemment. Dans le journal de la Conso, on apprend qu'on pourra faire des bonnes affaires pendant pendant les soldes. Mais oui, parce que les commerçants n'ont pas vendu grand-chose ces derniers mois, donc ils vont vous mettre plein d'articles soldés dans les rayons. Et on verra qu'on jette beaucoup trop de denrées alimentaires, Xavier. Eh bien oui, on confond beaucoup trop souvent à consommer jusqu'au avec à consommer de préférence avant le... Et du coup, parfois, on jette des trucs qu'on ne devrait pas jeter, monsieur. Si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, sur notre page, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi le faire par mail. L'adresse, c'est pigeon@rtbf.be. Et j'ai l'impression de manquer un peu de paillettes pour les circonstances. Tu veux des plumes? Tu veux des plumes? J'aurais bien aimé. Non, mais sérieux, franchement, c'est gay, ça fait déjà un peu vacances. Ah oui, encore un jour pour le répondeur. Ouais, 070-222-660. Après, vous pouvez laisser des messages, mais c'est pas sûr qu'on va les écouter. Allez, tout de suite, musique, dans cette émission, il y aura ça. DNC avec Ken by the Ocean. Les bébés brunes seront là aussi. Tu me plaques comme une affiche au mur. Je porte plainte pour courir. Vous écoutez Vivacité, si on n'est pas des pigeons, c'est jusque 13h. Bienvenue tout le monde. Alice on the Roof sur Vivacité et sur les scènes de plein de festivals. Festival ou festivaux ? Festival. Oh, festivals ? Non, festivaux, c'est plus drôle. Mais c'est pas français. Non, c'est ça. Donc on va dire festival. Drôle. Mais c'est drôle. C'était Mystery Light. Votre courrier est arrivé. Oh, de nos jours, le papier. De nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Hier, Carlo nous parlait de mozzarella, ça a donné lieu à un véritable débat sur la page Facebook. Oui, Srimonti nous écrit « La bouffala, j'ai pris une fois car il n'y avait plus celle que je prends habituellement. Eh bien, je n'aime pas du tout. Peut-être suis-je trop habituée à l'industriel. » Ah, ça c'est grave. Heureusement, c'est grave. Carlo ça, n'est pas là aujourd'hui. C'est super grave. Alors, Stéphane nous écrit de la burrata. C'est donc la mozzarella de luxe hein, dont Carlo nous parlait hier. Est-ce que ce ne serait pas ça que les Italiens appellent la mozzarella du pauvre, un morceau de mozza gonflé puis fourré de graisse lactée? Même les Italiens n'en mangent pas. Alors, pour la bufala AOP, je comprends, mais pour moi, la burrata n'est pas vraiment un gage de qualité. Ce à quoi Mélissa répond aussitôt, la burrata est un fromage très onctueux, si traditionnellement c'est une boule de fromage garnie de crème à base de lait de bouflonne, souvent on la retrouve proposée en grande distribution au lait de vache, parce que c'est moins coûteux à la production. Et paf dans ta tronche Stéphane, fallait ouais. réfléchir avant d'écrire ça, parce qu'il y a des gens qui sont au taquet derrière. Ça, et puis Perronne nous écrit aussi, honnêtement, celle que l'on achète en Belgique n'a pas de goût, la mozzarella est un produit qui doit se manger très très frais, et surtout en été, c'est vrai que Carlo nous expliquait hier que c'était une expérience à tester. Et puis le petit trait d'esprit de Walter. Mozzarella, c'est le fromage musical, car mozzarella. Oula. Oula. Wow. Ah, on applaudit. Ah non, ça peut ça ou pas. Ça peut s'applaudir. Si, si, on peut, franchement, et puis nos, Walter. Nos premiers t-shirts sont arrivés à destination. On vous rappelle qu'on vous invite à vous photographier avec les couleurs dont n'est pas des pigeons. En vacances, vous mettez le t-shirt devant l'endroit symbolique de vos vacances. Devant la tour de Pise. Si vous allez à Pise. Oui. C'est plus simple hein, en même temps. Oui. Et oui. vous êtes obligé de porter le t-shirt, mais en dehors de ça, vous pouvez ne rien porter. Oui. Aussi, c'est voilà. possible. C'est possible. Ouais, c'est ça. Mais quelles idées. Attends, attends, justement, ceux qui partent en vacances au Cap d'Agde, voilà. qu'en naturiste, photographiez-vous sur la plage avec le t-shirt et la stouquette à l'air. Ce serait drôle. Ce serait drôle. La stouquette, c'est comme ça que tu dis, toi. Dis, bon, donc, oui, donc, les premiers messages sont arrivés sur notre page Facebook pour dire que les t-shirts sont déjà... arrivé, c'est Ma et Marilyn, mais on espère que vous en ferez bon usage. Hein. Et que vous serez au Cap d'Agde. Si vous avez des choses à nous dire et des choses à envoyer, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, sur notre page, on n'est pas des pigeons, vous pouvez aussi le faire via l'adresse mail pigeonpluriel@rtbf.be et puis aussi via notre répondeur 070 222 660. Dans un instant, on mène une enquête énorme. Les prix sont différents entre les magasins Colruyt et leur Collect & Go. Ça n'est pas normal. On va enquêter en tout cas. Et on vous en parle dans 5 minutes. Vivacité et la 2 présente Bruxelles-les-Bains. La plage bruxelloise vous attend pour une foule d'activités. Animations pour enfants, sport, concerts, cinéma, danse, soirée survoltée ou farniente. Vivez un été inoubliable à Bruxelles-les-Bains du 1er juillet au 7 août avec la ville de Bruxelles et la Loterie Nationale. C'est la folie des soldes chez MediaMarkt sur le plus grand assortiment de Belgique. Profitez d'un lave-linge AEG d'une capacité de 8 kg, d'une valeur de 649 € à 549 € seulement. Dès ce vendredi et même ce dimanche 3 juillet, rendez-vous dans tous nos magasins ou sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. Ouvrez la bouche et dites « Ah mm-hmm, ». Bougez les yeux. Ouais, toussez maintenant. Vous êtes en pleine forme. Un petit bonbon. En ce moment, le réseau Volkswagen, Skoda, Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit de votre voiture pour des vacances sans souci ou pour la revendre au meilleur prix. Conditions et concessionnaires participants sur checkupete.be. L'été, Luc est sauveteur à la mer. Ouais, à Knock le Zout. Il n'a pas une minute à lui. Ah, et les deux filles là-bas. Très joli maillot, hein. Vous êtes charmante. Et Luc oublie de jouer au loto. Cet été, ne manquez aucune chance de devenir millionnaire. Jouez pour 8 tirages dans un point de vente participant et recevez 2 tirages supplémentaires gratuits. Action valable jusqu'au 30 juillet. La lingerie Feminella à Herve, maison spécialisée depuis près de 30 ans en lingerie dames et hommes. Marie-Jo, Primadonna, Simone Perel et bien d'autres marques vous y attendent. A très vite chez Feminella à Herve. Le commerce autrement. Localisi.com. Vivacité avisée. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Acte Intérim Verviers, depuis 20 ans, créateur d'expérience. Et pour vous, que pouvons-nous faire? Actuellement, Acte Intérim recherche un responsable de projet en microbiologie. Acte Intérim, rue des Écoles à Verviers. Acteintérim.be. Waste time with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going up on this. Sweet, sweet, baby. Whoa. Let's lose our minds and go So carefully, let's start living dangerously. Take by the ocean. Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque. On la passe à l'acide. On la découpe au laser. On la dissout et on balance ce qui reste dans le lac Daumesnil. Dans la séquence, nos auditeurs sont au taquet. Nos auditeurs sont au taquet, Frédéric. Et quand ils font leurs courses, ils font ce qu'on leur dit. Ils lisent les étiquettes, ils comparent, ils regardent les prix. Beaucoup plus qu'avant. Effectivement, l'émission a sans doute lancé cette tendance. Et un de nos auditeurs, qui s'appelle André, a été au Kölreuth. Et au Kölreuth, il y va souvent via Collect & Go. Vous savez, on peut faire ses courses par Internet maintenant. Ouais. C'est simple, c'est facile. On vous prépare le caddie, vous allez le chercher, vous embarquez tout. Mais il a un problème avec ce Collect & Go. Il va souvent au Collect & Go de Carignan et il s'est rendu compte qu'il y avait une différence de prix entre le Collect & Go, donc quand il fait ses courses par Internet, et le moment où il fait ses courses directement dans le magasin. Mais on sait que c'est plus cher parce qu'on paye une petite commission. Il y a des frais de service, effectivement, 5,50€. Mais au-delà de ça, il a acheté 29 articles. Il a acheté 29 articles et sur ces 29 articles, il y a une différence d'environ 15€. Ah, quand même. C'est beaucoup. Oui, entre le Collect & Go, donc ce qu'il a acheté directement via Internet, et s'il fait ses courses directement au magasin. Ah, mais ça, c'est pas normal. Plus les frais de service, donc ça fait 20€. Donc il dit, moi, j'y vais 3 fois par mois, 3-4 fois par mois, ça me fait 60 à 70-80€ de perdu chaque mois. Il trouve ça vraiment énorme et il ne comprend pas comment c'est possible. Pour lui, c'est de l'arnaque signée Kölreuth. Bon, on va téléphoner chez Kölreuth. Ah, et comment? On a au téléphone Marc Delcor. Bonjour, vous êtes le chef du département Collect & Go. Oui, tout à fait, bonjour. Comment ça se fait qu'il y ait une différence de prix comme ça entre ce qu'on retrouve en rayon et ce qu'on voit sur Internet? Comment ça se fait? Ben, en fait, on ne s'en est jamais caché chez nous. Donc, Collect & Go, c'est le service en ligne, pour que vos auditeurs comprennent bien, c'est un service en ligne de Kölreuth. Donc, on fait vos courses pour vous. Ouais. Sur le Collect & Go, on vous garantit en effet les meilleurs prix en ligne. Ouais. Ça veut dire quoi en ligne? Ça veut dire qu'on compare nos prix avec nos concurrents qui sont en ligne, évidemment. Bon, en magasin aussi, ça se fait comme ça, puisque vous basez votre réputation, tout le marketing se fait là-dessus? Oui, tout à fait, oui. Et en effet, si je dois répondre à la question s'il y a des différences de prix entre un magasin et un Collect & Go, oui, en effet, il y a des différences de prix. Et toujours en défaveur du Collect & Go, hein, toujours plus cher chez Collect & Go. Non, non, pas du tout. Ça va dans les deux sens. Et la différence, en fait, elle n'est pas de 15% comme on peut le lire sur certains réseaux sociaux actuellement. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a au moins... C'est combien la différence? Alors, c'est pas 15%, c'est combien en moyenne de différence Collect & Go par rapport au magasin lui-même? C'est quelques pourcents, et je ne saurais pas vous dire exactement quel pourcentage, parce que ça varie, puisque nous réagissons de manière nationale et régionale. Mais environ quoi, 5-6%, entre 6 et 8%? Non, ça doit être moins que ça, et ça va dans les deux sens. C'est surtout ça que vos auditeurs doivent bien comprendre. Okay. C'est que si vous avez un acteur en ligne qui n'a pas de magasin physique dans une région, ben nous, ça nous permet évidemment de réagir sur ce concurrent pour vous garantir les meilleurs prix. Vous voulez dire ici, notre auditeur, par exemple, ce jour-là, il a payé 15€ plus cher que s'il avait été en magasin, mais que la semaine suivante, ça peut être en sa faveur de 10€ peut-être? C'est possible. Maintenant, je n'ai pas malheureusement le ticket de caisse des deux comparaisons. C'est-à-dire, j'ai pas le ticket de caisse physique de ce monsieur vis-à-vis du magasin dans lequel il est allé et le Colruyt. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que quand on fait une comparaison de prix, et ça je pense que c'est très important que les gens comprennent, il y a trois paramètres vraiment essentiels à tenir compte. Mmh. C'est d'abord l'endroit où vous faites votre comparaison de prix. Donc vous faites des prix différents au Colruyt de Jemappes ou de Kerignan et celui de Jambes? Ben bien sûr. Ah, c'est pas les mêmes prix. Puisque nous réagissons de manière régionale, il se peut très bien qu'il y ait un concurrent dans les environs de Jemappes, vous avez dit, et le concurrent n'est pas le même, ne fait pas la même promotion à la Mure, par exemple. Et c'est comme ça qu'on peut vous garantir les prix régionaux. Alors, attendez, le deuxième point qui est vraiment très important, c'est le moment où vous allez faire votre comparaison. Nous sommes dans un service en ligne, ça veut dire que Colruyt, et tout le monde le sait bien, je pense que ça c'est dans la tête de tout le monde, on réagit et on réagit très vite quand il y a un concurrent qui met un prix en ligne qui est moins cher que le nôtre. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous donne un exemple avec le magasin, aujourd'hui vous allez faire vos courses, vous allez acheter un article à 10 euros, demain, enfin, quand vous rentrez le soir, aïe, j'ai oublié quelque chose, je vais retourner le chercher en magasin, vous arrivez dans le magasin, puis qu'est-ce que vous voyez? Oups, l'article, entre-temps, il est passé à 8 euros. Ben oui, parce que nous avons réagi très vite sur un article. Et ça va dans les deux sens, et c'est la même chose pour Collect & Go. Mais Marc, quand même, c'est souvent plus cher, quand même, le Collect & Go. La moyenne, c'est que c'est un peu plus cher au Collect & Go que dans le magasin. Ça, on peut le dire. C'est une tendance. Non, c'est autant moins cher que plus cher. Oui, d'accord. Mais Xavier, mais ça veut dire que vous nous garantissez, là, par contre, que vous allez être moins cher qu'un Deleuze en ligne, ou qu'un Wink, ou qu'un autre service en ligne. On peut comparer votre service à vous avec tous vos concurrents, et théoriquement, vous êtes moins cher ou vous vous adaptez? Oui, tout à fait. Il faut comparer le online et le online. Oui. Et les magasins et les magasins. On ne peut pas comparer l'un et l'autre. Sauf que le online et le online, ça, c'est un niveau national, du coup. Vous êtes en concurrence nationale. Non, online est au niveau national et au niveau régional. Ça veut dire, concrètement, vous venez de le citer, donc je peux aussi. Par exemple, dans les environs de Wink, ben oui, nous allons réagir sur Wink au niveau online. D'accord. Au niveau national, nous avons les grands acteurs, évidemment, qui sont bien connus. Ça vous permet d'avoir les prix nationaux. En fait, ce qui est bien avec cette histoire, Marc Delcor, c'est que vous venez de nous donner une super idée de sujet pour la rentrée. Donc cet été, on va s'amuser à comparer les prix en ligne de Colruyt et de tous les autres qui font du shopping en ligne. Comme ça, on verra vraiment comment ça se passe. Vous parliez d'un troisième facteur et on va terminer avec ça. C'est quoi, rapidement? Oui, le troisième facteur, c'est de comparer ce qui est comparable. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, j'ai pu voir un site amateur qui avait fait une publication. Ouh là là, le lait chez Colruyt, ça coûte très cher et vis-à-vis de Collect & Go. Mais le problème, c'est que quand on regarde vraiment le ticket de caisse, et il avait même mis des photos, et heureusement, il compare une brique de lait normale de Bonny, hein, un litre que vous achetez sur Palette chez nous d'ailleurs. Avec autre chose, d'une autre marque. Et compare ça au Collect & Go avec du lait frais de la chambre froide. D'accord, c'est pas la même chose. Ah oui, on est d'accord. Mais non. Donc, voilà. Alors sur un ticket de caisse total, bien sûr, ça vous fait des différences de 15%, 20% ou que sais-je, mais ça c'est pas juste. Il faut, c'est un peu comme si vous rentrez chez un concessionnaire voiture, vous voulez demander le prix d'une 2 chevaux, et puis vous passez d'un autre concessionnaire. Ok, pour terminer, Marc, quand même, la Pepsi Max Canette, d'après André qui a fait le calcul, elle est quand même 25% plus chère chez Collect & Go que dans le magasin. Ça, c'est quand même énorme sur un produit de consommation courante. Mais encore une fois, je ne saurais pas vous dire, moi, je n'ai pas l'étiquette caisse, je ne sais pas comment André... Ce qu'on a compris, c'est qu'effectivement, il y a des différences de prix, que ça s'adapte encore plus vite. Il y a des frais de service aussi. Il y a des frais de service, maintenant, vous le savez, quand vous faites vos courses. Au vu de ce qu'on vient de dire, vous le savez, mais vous savez aussi que vous payez systématiquement plus cher parce qu'il y a des frais de service, et que ce soit chez Colruyt ou les autres, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on le sait maintenant, on ne le vous dira jamais assez, il faut comparer, continuer à comparer, et c'est ce qu'on va faire. Et c'est vraiment une bonne idée de sujet, ça. Ah oui, c'est pas mal. On va s'amuser à comparer cet été. C'est parti. Ça fait du bien d'avoir des gens en ligne qui nous donnent des trucs comme ça et des astuces. Merci beaucoup. Ouais, c'est sympa. C'était André. On marque une pause, il y a les bébés brunes qui arrivent, et puis dans le journal de la conso, qu'est-ce qu'on épingle, Aurore? Qu'est-ce qu'on peut épingler? Oh, bah les soldes, hein, parce que ça commence demain. Voilà. Ah, et on pourra faire de bonnes affaires. Info et bonne humeur, le 8-9, c'est sur Vivacité. Et je viens d'apprendre, moi, il n'y a pas que sur les vêtements qu'on fait des soldes. Sais-tu bien que l'autre, la carrelage grillée, il fait des soldes aussi, lui? Mais comment est-ce qu'il fait, donc, ce gars-là? Déjà toute l'année, c'est bon marché, voilà qu'il refait des soldes dessus. Écoute-moi bien, je vais refaire toute ma salle de bain, ça va me coûter moins cher qu'un paletot, tu. Carrelage grillée, bien joué, hein, gros! Carrelage grillée, il ne laissera pas indifférent. Carrelage grillée est ouvert ce dimanche 3 juillet de 13 à 18h. Carrelage grillée, il ne laissera pas indifférent. Rue Olaine 59 à Verviers et sur carrelage-grillée.be. Bien joué, hein, gros! Carrelage Grilly est ouvert ce dimanche 3 juillet de 13 à 18h. Bonjour, c'est Michy Batshuayi. Comme Vivacité, je suis complètement fou. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Hola, c'est Yoni Vidal. Avec mon groupe Estrella, ce samedi 2 juillet à Tournai, nous allons vous faire danser sur des rythmes latinos. Et Polo et Grand Georges seront également au rendez-vous. Hasta pronto, amigos. Le Showcase du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 2 juillet à Tournai. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Entendu les bébés brunes. Ouais, moi j'aime bien. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est frais. On ah, c'est sent. Vous oh. Allez, couille blessure, c'est le titre. On part sur les routes. Jean-Marcel, comment ça se passe en cette fin de matinée, mon petit bonhomme ? Bah écoutez, il y a un accident sur le 40, Grand Bruxelles à Grand Bigard. La bande de milieu est neutralisée, donc ça pose problème et défile forcément en direction de Bruxelles. Le 411 venant de Namur est toujours chargé entre Overijse et Léonard. Le 40 de Gand aussi entre Ternat et Grand Bigard, en plus de l'accident dont je vous ai parlé il y a un instant. Une voiture sur le flanc sur le 429 tournée Halle à Tubize. Bande de droite neutralisée en direction de Halle. Chaussée toujours fermée, je vous rappelle, dans la bretelle qui relie le ring de Bruxelles venant de Zaventem à l'E19 vers Mons. Ça va durer un petit moment, jusqu'à demain minimum. Et en ce qui concerne la circulation intérieure, ça coince toujours entre, du ring bien sûr, ça coince entre Bercé et Reusbrook vers Grand Bigard, entre Grand Bigard et Jette vers Zaventem pour la circulation extérieure, entre Woluwe, Saint-Etienne et Diguem vers Vilvoorde, et entre Wemel et Jette en direction de Grand Bigard. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il est 11h30, c'est le journal de la Conso Aurore. Qu'est-ce qu'on a repéré de bien ce matin? Plein de bonnes choses. Demain, officiellement, les vacances, hein, pour beaucoup, c'est le 1er juillet. Oh, oui, on est déjà le 30 juin, c'est dingue. Mais ce sont aussi les soldes. Ça passe vite, madame. C'est les soldes, ce sont les soldes. Oui. Et on parle de bonnes affaires dans l'ADH. Attention, masculin, les soldes, pas faire de faute. Hein. En tout cas, on trouvera beaucoup de choses demain, dans les magasins, à partir de demain. Puisque, en fait... Il y a eu plein de choses hein, qui ont fait que les commerçants ont gardé pas mal de stocks dans leurs réserves. Il y a eu les attentats, la météo, l'euro aussi. Moi, je ne savais pas ça, mais l'euro, ça en plus, les gens dans la télé. Oui, tout à fait. Alors, 56% des commerçants ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires ces 6 derniers mois. Donc, la preuve, ils auront encore du stock. Et puis, 69% estiment que l'euro a eu un impact négatif sur les ventes. Donc, ils attendent que les Belges soient sortis pour revendre les vêtements. Oui, tout à fait. De toute façon, une autre enquête de deuxième main, cette fois, .be, montre que 19% des Belges achètent des vêtements pendant les soldes qu'ils ne mettent jamais. Bah ouais, d'accord, ok. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en général, pendant les soldes, on trouve des vêtements divers qui sont soldés. Et comme là, il fait crapuleux au niveau du temps, on peut acheter des vêtements divers et les porter. Est-ce qu'il y aura encore des choses intéressantes à partir de demain, vu que tous les magasins sont en train de faire des braderies des moins 50% déjà? Déjà là maintenant. Donc, les soldes qui commencent officiellement demain, j'ai envie de dire, vaste mascarade, parce qu'il y a déjà des choses qui se passent là dans tous les magasins maintenant. Bref. C'était mon coup de gueule. Oui. Dites, dans toute la presse, on en parle et on parle de cette plateforme Drivey qui arrive sur le marché belge. Oui, c'est une plateforme de location de voitures entre particuliers. Donc, en gros, les jours où vous n'avez pas besoin de votre voiture, louez-la. On connaissait déjà Caramigo, qui est actif chez nous depuis un an à peu près, avec 5000 utilisateurs et 500 voitures. Mais ici, c'est une grosse pointure qui arrive. Le leader européen du secteur sont des Français. C'est Drivey, donc il compte 1 million d'utilisateurs dans 4 pays. Il fonctionne avec 38 000 véhicules. Il faut dire que ce système est assez avantageux, puisque le prix moyen d'une voiture de location, c'est 20 euros par jour. Oui, je l'ai testé dans le sud de la France, c'est vrai que c'était particulièrement efficace. Le particulier vous amène la voiture à l'aéroport, vous plus qu'à partir. Et c'est vrai que c'est pour rien. Bon, la voiture n'était pas top, puisque c'est des voitures un peu usagées, mais quand même, c'était confort. C'est moins cher et ça roule. Évidemment, et puis tu roules pas des masses, donc c'est juste pour se déplacer. J'avais payé effectivement 30 euros par jour. Bon, Fred, justement, vous qui avez la parole, un truc repéré dans la presse ce matin. 24 000 supporters castés pour voir qui supporte les Diables Rouges. Est-ce que ce sont les Wallons, les Flamands, les Brabançons, les Luxembourgeois? Eh bien, vous savez quoi? Ce sont les supporters du Luxembourg qui sont le plus nombreux. 4 habitants sur 1000 est membre du club des supporters belges 1890. C'est énorme. Devant le Brabant Wallon, 2,6 habitants sur 1000. Namur, le Hainaut. Donc on voit que les francophones sont plus supporters des Diables Rouges que les Flamands. C'est le Brabant Flamand qui arrive en 5e place avec Anvers. Donc Anvers quand même bien représenté, même si on pense toujours que cette province n'est pas très belgiciste. Mais au total quand même 52,3% de Flamands pour 46,2% de supporters francophones. Donc les Flamands un petit peu au-dessus, même si la proportion c'est 60-40. Il y a un peu plus de Flamands que le Wallon. Donc la proportion est négative. Mais 13% de femmes. Vous avez compris que Fred est très fou de ces derniers temps. Oui, il est seulement 13% de femmes, mais c'est horrible, c'est ça le pire. C'est qu'il n'y a que 13% de femmes supporters des Diables. C'est pas mal. Qui fait tous les matchs, je peux vous dire qu'il n'y en a pas de femmes, effectivement. Où sont les femmes? Si ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas. Mais devant la télé, devant Belgique-Hongrie, 46% de femmes. Dites. Devant la télé. Il y a de beaux joueurs en crypte. On poursuit notre revue de presse et on termine avec. Alors, c'est la fin de l'année scolaire et on parle déjà de nouveautés dans les manuels. Oui, papa regarde le foot, maman fait la vaisselle. Mais ces phrases à l'imparfait. Alors, je ne testais pas vos connaissances des conjugaisons, n'est-ce pas, Sébastien? Mais c'est juste pour vous donner un petit exemple de ce qu'on ne devrait plus trouver. Les clichés sexistes, c'est fini. En tout cas, le Parlement de la Fédération... C'est pas des clichés, papa regarde le foot et maman fait la vaisselle. C'est pas des clichés. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d'approuver une proposition de décret qui prévoit d'enlever tous les clichés sexistes des manuels. Et le texte va même plus loin, puisque les livres devront aussi clairement comprendre une référence à la lutte contre les discriminations entre hommes et femmes et faire la promotion de l'égalité des sexes. Mais ça, c'est bien, ça. C'est une très bonne nouvelle. Et pour l'égalité des sexes, 17 voilà, j'étais sûre que ça allait déraper. Et donc, on va bientôt trouver maman boit de la bière pendant que papa fait le repassage. Eh ben voilà. C'est bien. On marque une pause, il y a Kenji qui débarque. Et puis après, Xavier, on va parler de la confusion. Voilà, de la confusion qu'on a autour des dates limites de consommation et des à consommer de préférence jusqu'au. On en a déjà parlé plein de fois, mais ça reste effectivement confus cette histoire. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvois, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon

Shakira qui se met à faire de la plomberie avec son nouveau titre Tuyo. Tuyo. Je suis désolé. Ah, c'est ça. Mais c'est comme ça que ça se dit. Tuyo, tout. Enfin voilà. Il faut le déboucher du coup. Tu t'en charges. On n'est pas des pigeons. Allez, un consommateur sur deux jette trop vite de la nourriture encore comestible à cause d'une mécompréhension, finalement, des dates de péremption, Xavier. Oui, c'est ce qui ressort d'une étude menée pour la firme d'emballage Tetra Pak. Vous la connaissez tous, cette firme, me semble-t-il. D'après cette enquête, un consommateur sur quatre ne connaît pas, ne saisit pas la différence entre à consommer de préférence avant et à consommer jusqu'au. D'après cette enquête menée auprès de 300 consommateurs, cette confusion amène un consommateur sur deux à se débarrasser trop vite d'aliments encore comestibles. Un consommateur sur quatre jette des produits laitiers et un sur trois des jus de fruits le jour même de la date de péremption ou dans les deux jours qui suivent. Oui. Un sur quatre met également à la poubelle de la viande, du poisson ou des œufs le jour de la DLC sans même vérifier si l'aliment est encore comestible, par exemple en l'observant ou en le sentant même avant de le cuire, par exemple. Bon, on va en parler avec Frank Van de Waal. Bonjour. Bonjour. Environment Manager chez Tetra Pak. Et une question à vous poser. Pourquoi avoir fait cette enquête? Comme vous avez dit, il y a malheureusement encore beaucoup de nourriture, encore comestible et qui est jetée. Et on constate qu'une raison importante pour cela est liée justement à la mécompréhension des dates de péremption et plus concrètement la différence entre la DLC, la date limite de consommation, et la DLUO, c'est-à-dire la date limite d'utilisation optimale. Et c'est la raison pourquoi nous avons lancé une enquête auprès des consommateurs belges pour mieux comprendre la vue de ce consommateur et notre rôle en tant que producteur d'emballage là-dedans. Oui, mais c'est quoi les dates? Si vous deviez me dire clairement la différence entre les deux, c'est quoi? C'est-à-dire, à consommer de préférence avant le, c'est surtout une indication sur la qualité du produit. C'est-à-dire, le producteur donne une garantie de la qualité jusqu'à une certaine date. Ça veut dire qu'après, après on peut continuer à le consommer, mais il n'aura peut-être pas la garantie idéale de sortie d'usine, quoi, de sortie de chaîne. Oui, tout à fait. La couleur pourrait être un tout petit peu différente. Mais il sera toujours bon. C'est... Mais dans la plupart des cas, c'est encore bon pendant pas mal de temps. Okay. C'est un peu le sketch de, je pense que c'était de Roland McDan qui se demandait ce qui arrivait dans le yaourt à minuit le jour de la date limite de consommation. Est-ce que, voilà. Et l'autre date? Et l'autre là, c'est beaucoup plus clair, c'est à consommer jusqu'au, et là c'est vraiment une indication de la date limite de consommation, et c'est une date qui est plutôt utilisée pour des produits frais comme la viande ou le poisson. Donc après cette date-là, on ne mange plus, sinon c'est la gastro. Ça pourrait être le cas, tout à fait. C'est quand même beaucoup plus dangereux de le manger encore après cette date-là. Mais alors, par contre, vous ne vous cantonnez pas à cela, à ce constat. Vous faites aussi des propositions pour changer les choses. Qu'est-ce que vous proposez réellement? C'est-à-dire, on a d'abord organisé un panel d'experts pour justement penser de cette terminologie et de cette confusion. Et c'est fait par des experts alimentaires de l'industrie, des autorités, la grande distribution et du monde académique. Et eux, ils ont proposé 6 possibilités, 6 reformulations justement de cette « à consommer de préférence avant ». Et ça, on a évalué ensemble avec des consommateurs. Il y en a une qui a été élue, il y en a une qui a remporté la majorité des suffrages, c'est laquelle? C'est-à-dire, c'est qualité garantie jusqu'au. Ce qui est notamment... Ce qui est beaucoup plus clair. C'est plus clair, en fait. Le contenant. C'est vachement plus clair. C'est vrai que c'est plus clair. Et l'idée, c'est que ça arrive prochainement ou ça doit passer par des projets de loi et autres? Il faut changer des législations? Oui, malheureusement, c'est une formulation qui est légale et tout à fait, il faut changer la loi pour cela. Mais ce qui est quand même bon, c'est qu'une des experts était une personne représentative pour l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire. Ah, c'est déjà bien, oui. Et ils sont déjà impliqués. Ça ne veut pas dire que ça va changer du jour au lendemain, mais en tout cas, ils sont très conscients de la problématique. Voilà, en espérant que ce soit effectivement plus clair pour tout le monde, ce qui évitera

années 80 avec Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Vous aimez les bons moments? Mais oui que vous aimez les bons moments. On adore. Et dans cette émission, il n'y a que des bons moments. C'est pour ça qu'on en rediffuse. Profitez, c'est gratuit, c'est cadeau. Il y a quelques mois, c'est Caroline qui nous parlait de la fabrication artisanale des shampoings solides. Elle avait même testé la recette. On n'est pas des pigeons, le best-of. Moi, je me suis lancée pour commencer dans une recette hyper basique, impossible à rater, ça c'est sûr. Pour votre shampoing, vous avez fait vous-même votre shampoing. J'ai fait moi-même mon shampoing. Petite mixture à la maison, c'est encore du shampoing solide. Et c'est encore du shampoing solide. Vous l'avez essayé? Ah oui, évidemment que je l'ai essayé. On comprend maintenant. J'ai pris... c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment pas gentil. Ah, mais non, c'est une blague. C'est une blague. Et vous verrez, parce que je vous montrerai des photos tout à l'heure, c'est des produits qu'il faut parfois manier avec précaution. Alors, j'ai pris toutes les précautions. On vous voit en photo en train de faire votre shampoing? Oui, on me voit en photo. Sous la douche? J'ai pas fait le shampoing sous la douche. J'ai fait dans ma cuisine. Bon, on essaye. Avec hein. un masque, avec des gants. Enfin, vous verrez, c'est d'accord. hyper sexy. Dans la recette, voilà, j'ai utilisé 60% de SCI. Alors, le SCI, c'est quoi? C'est un tensioactif, un détergent qui est dérivé de l'huile de coco. C'est du sodium cocoïl isothionate. Ouais, t'auras pas tes 50 euros, là, t'as un petit peu dur à dire. Non, j'ai pas bien répété à la maison. Ça, c'est vrai. Qui est beaucoup moins agressif que celui que j'ai cité précédemment. 30 grammes de beurre végétal, 30% pardon, de beurre végétal d'amande et 10% d'eau. Moi, j'ai ajouté quelques gouttes d'extrait aromatique de nana. Pour le plaisir. Donc ça sent le coco et l'ananas, le truc, alors. Vous mettez tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, exactement. Pina colada sur ta tête. Okay. Sous la douche, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas le bonheur le matin. Donc, vous faites fondre le tout au bain-marie. Vous mettez la préparation dans un petit emporte-pièce. Et voilà, vous avez votre shampoing. Alors, je vous le disais, il faut prendre quelques précautions parce que le SCI est une poudre très volatile. Elle peut irriter les yeux, les voies respiratoires. Alors, donc, vous verrez que j'ai mis un masque et des gants. Mais honnêtement, vu le tout petit sachet de poudre que j'ai utilisé, je ne l'ai vraiment pas fait voler dans toute la pièce. Non. Donc, je me sentais un petit peu ridicule. Avec la combinaison d'astronautes. C'était disproportionné C'était un petit peu disproportionné. Mais bon... Voilà, je l'ai fait. Et il faut quand même le manipuler avec précaution, éloigner les enfants. Hein. J'ai fait business. Jusque-là, ça donne super envie. Là. C'est, ça se fait. Non, mais on disait, on m'a dit de faire attention. J'ai fait attention. Et après, j'avais l'impression de sortir un canon pour tuer une mouche. Quoi. Donc, mais il faut quand même pas respirer cette poudre et des choses comme ça. Mais c'est long comme préparation. Non, ça prend 5 minutes. Alors, c'est vrai que la première fois, on chipote toujours un petit peu. Donc, vous comptez une demi-heure en tout. Et là, vous êtes sûr que ça devrait aller. De 5, ça passe à 30 minutes. Non, mais c'est la première fois, on se dit, attends, je fais quoi? Mon bain-marie, mon truc, je mélange, je prends quelle proportion? Enfin, la première fois, quoi. Après, après, vous verrez, quand vous êtes sous la douche avec votre petit shampoing fait maison, je vous jure que vous avez une certaine satisfaction. Et puis voilà, l'été arrive et personnellement, c'est tout vu dans ma valise. Il y aura un petit pain de shampoing solide pour tout le monde et pas une grande bouteille de shampoing liquide. C'est plus léger, c'est plus pratique, c'est plus écologique. Il n'y a pas de raison de se priver. Oui, d'accord, mais vous l'avez testé. Hein. Oui. Alors, évidemment, je vous avoue que j'étais un peu sceptique. On n'aura pas les photos, on est d'accord. Non, ça, je suis vraiment désolée. Tant pis. Je ne vous ai pas le testé en semaine, comme je vous le disais tout à l'heure hors antenne. J'avais un petit peu peur que ça n'agisse pas. Je voulais quand même avoir une tête correcte à l'antenne. Donc, j'ai testé ce week-end. Ça marche super bien. Alors, ça ne mousse pas tout de suite en main, contrairement à d'autres shampoings solides qu'on peut trouver. Mais vous le frottez un petit peu contre vos cheveux et ça fait une mousse super agréable. C'est vraiment très doux. Rien à voir avec l'effet qu'on peut avoir avec un savon pour les mains qu'on utilise dans les cheveux. Je ne sais pas si vous avez testé, c'est une horreur. Donc, moi, j'ai fait le shampoing samedi matin. Je trouve que mes cheveux sont toujours bien. Ils sont bien. Voilà. Donc c'est pas mal, ça vaut la peine. Ça coûte plus cher à faire, ça coûte quoi en fait de faire ça soi-même? Bon alors déjà, il n'y a pas de matériel spécifique à acheter, ça c'est quand même une très très bonne nouvelle, tant mieux. Les ingrédients ne sont pas très chers et vous pourrez faire plusieurs shampoings, c'est toujours ça le problème, c'est qu'il faut toujours acheter un petit peu plus au départ. Donc le tensioactif se vend par petits sachets de 50 grammes, moi j'en ai utilisé un, c'est 1,90€. Le beurre végétal d'amande, c'est 5,90€ pour 100 ml, mais j'ai dû utiliser au maximum un cinquième du pot. Et puis j'ai ajouté le petit extrait aromatique de nana, là j'en ai pour 36 shampoings. ça coûte 3,50 €. Donc, au départ, vous allez peut-être acheter pour 10-15 € de produits, mais vous aurez encore de la matière pour en faire d'autres. Plein, oui. Et j'ai quasi rien utilisé. Hein. Un shampoing, là, je suis sûre que je fais 100 shampoings avec ce truc. Ouais, le souci, c'est qu'une fois que ces produits sont ouverts, il faut les utiliser quand même assez vite. Donc, mais il faut vous mettre à plusieurs. Ouais, il faut vous mettre à plusieurs avec des copines, que vous partagez les frais. Ah, le beurre végétal et tout ça. Mais le beurre végétal, il risque quelque chose ? Bah, c'est des produits que vous ne pouvez pas laisser ouverts après 6 ou 12 mois. Donc j'ai pas fait attention. On n'est pas des pigeons ? Le best-of. Séquence à ne pas revoir ce soir à la télé, puisque c'est un best-of par définition. Ça fait partie des bons moments de l'émission. Il y en aura d'autres encore dans la prochaine heure. En attendant, la musique adoucit les mœurs. Et le cousin de Céline Dion, est-ce que son parent, Olivier Dion et Céline Dion ? Bon, dans la musique, ils sont tous frères et sœurs. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Je sais ce que je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme un bon levier. Debout. Mais il faut s'en aller quand il le faut. Croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi je veux voler, voler plus haut. De mes propres ailes, voler de mes propres ailes. Que la jeunesse est faite d'erreurs, qu'on en paye un jour les revers et contre-coups. Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert qu'on meure, sans avoir vécu ses rêves, même les plus. De la comédie musicale Les Trois Mousquetaires. C'était Olivier Dion avec De mes propres ailes. Un détour par la rédaction pour les infos de midi qui arrivent dans une grosse minute et on revient derrière pour la deuxième heure. Vivacité et La Troie présente l'exposition En plein air à la Beauvry à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeauvry.com. La Beauvry, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. Avec nous, l'Euro est bleu, blanc, diable. Après leur match exceptionnel contre la Hongrie, les Diables affrontent les Dragons gallois en quart de finale. Pays de Galles-Belgique, à suivre en direct ce vendredi soir sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League... Les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Vivacité. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tous à Tournai ce 2 juillet. Rendez-vous dès 9h30, Esplanade de l'Europe pour le brunch ou à 13h pour la balade de 30 km à travers les plaines de Wallonie-Picarde avant les showcases d'Epolo et de Grand Georges. Pour gagner du temps et des cadeaux, inscrivez-vous rtbf.be/lebeauvélo. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Delphine Vreux, bonjour Delphine. Bonjour, rangement, nettoyage, remise encore de quelques bulletins, les derniers. L'année scolaire se termine aujourd'hui, 30 juin, même si les cours de récré sont vides ou quasi vides depuis quelques jours déjà. Ce matin, à l'école du futur à Mons, une salle était pourtant pleine à craquer pour la proclamation des résultats, des rétos. Dernière étape avant le grand départ vers le supérieur, un moment d'émotion et de fierté. Bah, après 6 ans, là enfin, ce diplôme emballé dans un élastique, c'est quand même fantastique. Ça fait plaisir de savoir ça. Moi je suis très heureux, mais c'est l'accomplissement de 6 années de travail et ouais, ça me fait un peu mal au cœur de quitter l'école secondaire. Mais bon, c'est un cap qui se passe, donc voilà. C'est de la joie car malheureusement, après 7 ans, j'ai doublé ma 4e, mais ici c'est franchement de la joie d'avoir réussi, d'avoir mon diplôme. C'est une nouvelle étape maintenant, l'université. J'espère que tout ira bien. Un cap et des témoignages recueillis par Catherine Tonero. Va-t-on fouiller dans les GSM ou les ordinateurs portables des demandeurs d'asile pour vérifier s'ils ne mentent pas sur leur passé ou sur leurs origines? Le secrétaire d'État à l'asile et la migration, Théo Franken, voudrait l'autoriser en Belgique. Il est en visite au Danemark. Mais ce matin, à l'entrée du Conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur, NVA lui aussi, Yann Yambon, affirmait ne pas connaître ce projet. Écoutez. Je ne suis pas au courant. Chaque réfugié qui arrive ici, on fait le screening. Mais je n'ai pas d'informations concernant contrôle de GSM. Ce n'est pas le cas. On fait un screening à base d'identité des gens. Et pour vous, c'est suffisant le screening? Ce ne sont pas des criminels, les réfugiés. Ce sont des gens où on va voir s'ils sont signalés dans nos bases de données ou les bases de données internationales. Mais on part du principe que ce ne sont pas des criminels. Donc je ne vois pas pourquoi on doit tracer leur GSM et trucs. Non, je ne suis pas... Pour vous, ça, ce n'est pas intéressant. Non, ce n'est pas nécessaire, je pense. Des propos recueillis par Marc Sirleroux. Qui veut devenir Premier ministre britannique? La course à la succession de David Cameron est lancée. Le ministre de la Justice, Michael Gove, annonce ce matin qu'il est lui aussi candidat. Il a été l'un des leaders de la campagne pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. On le disait aussi un allié de Boris Johnson, ex-maire de Londres. Mais la phrase est à conjuguer au passé. J'en suis arrivé à la conclusion que Boris ne peut pas assurer le leadership ou construire une équipe pour la tâche qui nous attend, a-t-il lancé. Eden Hazard s'entraîne, les supporters belges sont déjà un peu plus rassurés. Entraînement ce matin, encore à Bordeaux avant le départ pour Lille. Les Diables Rouges jouent leur quart de finale face au Pays de Galles demain soir. Le Diable souffrait d'une contracture à la cuisse droite et ne s'était plus entraîné depuis le dernier match. Enfin, ces films de promo sont souvent à couper le souffle. Cette fois-ci, Red Bull a dû s'excuser. La firme de boissons énergisantes avait tourné sans accord une publicité acrobatique dans le temple de Borobudur. C'est l'un des plus anciens temples sacrés du pays. Il est même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on y voyait un athlète sauter entre des pierres sacrées ou marcher à côté d'un panneau interdisant justement d'escalader les pierres du temple. Le site n'a pas été endommagé. Le tournage a provoqué une indignation générale en Indonésie et le gouvernement menace Red Bull d'introduire une action en justice. Le point RTBF Mobile Info et avec Jean-Marc Strel, et ça ralentit du côté de Zaventem. Oui, en tout cas pour s'y rendre, la 201 Bruxelles-Zaventem, suite au départ en vacances, bien sûr. Ce sont les premiers, donc des ralentissements. Soyez prévoyants si vous prenez l'avion aujourd'hui. Un accident s'est produit sur le 40 Gand-Bruxelles, hauteur de Ternat et Grand Bigard, avec 11 km de fil et vous perdez 45 minutes. Voilà un temps de parcours qui nous est communiqué à l'instant. Donc 45 minutes perdues en direction de Bruxelles sur le 40 Gand-Bruxelles. Patience. Il y a du monde aussi sur le 400. 411 venant de Namur entre Jesus Eik et Léonard. Attention à cette voiture sur le flanc, sur le 429 tournée Halle à hauteur de Tubize en direction de Halle. Chaussée toujours fermée, en tout cas bretelle reliant le ring de Bruxelles venant de Zaventem à l'E19 vers Mons jusqu'à demain après-midi. En ce qui concerne la circulation intérieure du ring, ça coince entre Heusingen et Forêt vers Grand Bégard. Pour la circulation extérieure entre Woluwe, Saint-Etienne et Diggen vers Vilvoorde, entre Wemel et Jette vers Grand Bégard. Et puis attention à ce véhicule en feu sur la N4 Namur Arlon à Martelange. C'est en direction d'Arlon avec un dégagement de fumée important. Prudence. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et on retrouve bien sûr Sébastien Nolvo et l'équipe d'On n'est pas des pigeons. Merci Delphine, bel après-midi. On n'est pas des pigeons. Sur Vivacité. Au programme de cette deuxième heure, parce qu'il est midi, parce qu'on a faim, dégustation de salades. Les salades Martinet fêtent leurs 30 ans. Vous savez ce que c'est les salades Pierre Martinet? Ben oui, c'est des salades qui fouettent. Voilà. Il existe, quand tu les ouvres, ça fouette. Eh ben, il existe et on l'aura même... con, lui. Fred demandait donc si Monsieur Martinet existe. Oui. Eh bien, Pierre Martinet existe et on l'aura aussi. En vrai? Ah, oui, bah, au téléphone, mais en vrai quand même. Dingue. Ah. On aura une autre séquence best-of dans quelques minutes. C'est Anne-Laure qui revient sur le phénomène des bières en kit. Et on va essayer d'aider... Peter. Qui ne reçoit toujours pas son courrier. Exactement, il habite Dour, à la rue des Corons, mais il y a aussi une rue Coron du Bois à Dour. Il y a une homonymie et la poste s'y perd. C'est... Il va se calmer, lui. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Vous me fatiguez. Notre page, c'est... À partir de demain après-midi, tu ne nous vois plus. On n'est pas des pigeons pour notre page Facebook. L'adresse mail, c'est pigeonpluriel@rtbf.be. Et puis, il y a aussi le répondeur 070 222 660. Côté musique, il y aura ça. John Warwick avec Heartbreaker. En partie de la programmation musicale, tout comme Julian Peretta. Vous écoutez, on n'est pas des pigeons. Bon appétit, si vous passez à table, on est ensemble encore pendant une toute petite heure. Behind me. sur Vivacité avec Oceans. Vous voulez de la bière? Vous voulez fabriquer de la bière? Oui. Non, on va pas en boire aujourd'hui. Non. C'est un peu trop facile, on va déjà goûter du taboulé dans quelques minutes, on peut pas tout faire non plus. Mais la bière en kit, on vous en parlait il y a quelques temps, c'était Anne-Laure qui était aux commandes. On n'est pas des pigeons, le best-of. Alors, on connaît tous les meubles en kit, voici la bière en kit, Anne-Laure. Ah ouais, ça fait rêver, hein, la bière en kit. Des kits qu'on trouve en grande surface et sur Internet, ça se compose d'une boîte de conserve principalement. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Ben, le mou. Déjà préparé, le mou, c'est la base de la bière. Pas dedans. Est-ce que c'est... Ouais, voilà, c'est ça. On mâchouille du mou. La malt, c'est une céréale germée. Le malt, c'est souvent de l'orge d'ailleurs. Et puis vous avez aussi une dose de levure qui faudra ajouter par la suite, puisque vous allez devoir faire le dosage d'eau ajouté au mou, du sucre et puis la dose de levure. Vous placez tout ça dans un seau hermétique et vous laissez fermenter à température ambiante. Ok, mais est-ce que c'est bon? D'abord, vous devez me demander, est-ce que ça met combien de temps à fermenter? Ou alors, on n'a pas le même texte, c'est pas grave. Eh bien, on n'a pas le même texte. Ah, ben voilà. On met dans des seaux à température ambiante pendant une semaine. Ensuite, on met tout ça en bouteille. Au moment où on met en bouteille, on ajoute du sucre. Parce que le sucre, ça va réactiver les levures. Ça va créer du CO2. Et donc, ça va faire les bulles, la mousse de la bière. On peut consommer, une fois qu'elle est en bouteille, la bière au bout de 2 semaines. Mais il faudra attendre 6 à 8 semaines pour une véritable maturation. Et j'ai récupéré le bon texte, donc tu peux poser la bonne question. Avec un kit, on fait combien de quantités de bière? Alors pour une 15aine d'euros, c'est le prix du kit, vous allez faire jusqu'à 20 litres de pils, 12 litres de bière spéciale, parce que vous avez le choix entre 3 sortes de bière, la pils, la brune ou la framboise. Mm-hmm. Alors vous ne payez pas d'accise, il faut savoir, sur ces kits à bière, tout simplement parce qu'il n'y a pas encore eu de fermentation alcoolique, donc pas d'alcool. Pas d'accise. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. L'alcool viendra après la fermentation alcoolique, c'est-à-dire la transformation des sucres en alcool avec l'action de la levure. D'accord. Maintenant, la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ah, bah voilà, vous allez goûter. Je vous en ai amené, évidemment. Donc là, on a quoi? On a la pils. Là, vous avez la pils. Donc, c'est pas alcoolisé. La pils, là, maintenant, elle est alcoolisée. La fermentation a eu lieu. C'était en bouteille. Ça n'a pas beaucoup de goût. On ne se taperait pas le derrière par terre. Hein, c'est pas sûr. Bon. Non, c'est très amer. On est d'accord, ça... c'est pas terrible, terrible. Il faut être bourré pas... pour la boire, quoi. Hein. C'est plat, comme ça on ne sent plus le goût. La solution d'Annie pour boire un truc qui n'est pas bon. Il faut être sous. C'est intelligent. Les ingénieurs brasseurs à qui on l'a fait goûter n'étaient pas sous. Ils s'étaient concentrés, c'était pas en guindaille. Et ils ont trouvé en effet que la pils n'était pas bonne du tout, qu'elle n'avait pas de goût, qu'elle n'était pas intéressante. Par contre, ils ont trouvé que la brune était pas mal. La bière brune, je vous en ai amené aussi. Et que la framboise était plutôt une bonne surprise. Donc je vous invite à goûter la framboise aussi et à me donner votre avis. Bon. C'est Annie qui goûte la framboise. C'est notre grande spécialiste. Alors Annie, je vais goûter ça aussi. Goûte la framboise. C'est déjà une bonne chose. C'est rassurant. Mais pas tellement, en fait. Ça, c'est quand une fois qu'on l'a avalé, effectivement, on a le goût de framboise, mais ça sent moins la framboise que les autres bières qu'on trouve. Si, à l'odeur déjà. Oui, l'odeur, mais mettez-la en bouche et puis. Dans la bouche, on ne sent pas grand-chose. C'est meilleur que la pils. Mais c'est nettement meilleur que la pils. Dans tous les cas, il n'y en a aucune qui est bonne. On est d'accord que ce n'est pas comparable avec les merveilleuses bières qu'on trouve dans notre beau pays. On est d'accord. Ça, c'est une certitude. Mais bon. 16 euros le kit, quand même. Il faut le matériel aussi pour faire tout ça. Ah bah oui, parce que 16 euros, vous avez juste le mou, je vous le disais. Donc, il faut encore compter entre 75 et 100 euros pour acheter du matériel, c'est-à-dire un seau hermétique dans lequel va fermenter la bière. Il faut les capsules et les bouteilles, forcément. Et on achète tout ça où? Il est en capsuleuse aussi. On achète ça dans des magasins spécialisés, mais ça se trouve aussi sur Internet, assez facilement. On peut vous livrer ça à la maison, par exemple. Si la pils, c'est pas exceptionnel, comment cette bière pourrait-elle être améliorée? Oui, c'est ça la question. Mais non, mais sérieux, je regarde les Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? De nouveau, on a demandé conseil aux ingénieurs brasseurs qui nous ont aidés à réaliser ce test. Et ils disent qu'on pourrait clairement ajouter des épices, qu'on pourrait aussi faire fermenter la pils à plus basse température, parce que dans leur labo, là où on a fabriqué cette bière grâce au kit, il fait 22 degrés, c'est trop pour la fermentation de la pils, il faut une température un peu plus basse. Et puis, il faudrait changer la levure, parce qu'apparemment, la levure qu'on a dans les kits n'est pas de qualité exceptionnelle. Il faut savoir que la levure, elle donne le parfum à la bière, elle donne du goût à la bière, donc il faut vraiment aller chercher une levure de bonne qualité, donc il faudrait mieux aller la chercher ailleurs que prendre celle du kit. Bon plan, c'est kit en bière. Oui, c'est un bon plan si vous êtes passionné de bière, que vous avez envie de vous y mettre, vous avez envie de tenter l'expérience. Ouais, ou au contraire.

Tu te souviens de ce morceau? Tu te souviens de Dionne Warwick avec qui c'est qui chantait dans les chœurs? C'était les Bee Gees, les Bee Gees, évidemment. Dionne Warwick et les Bee Gees avec Heartbreaker dans les années 80. On essaye de joindre Monsieur Martinet. Alors, on a déjà Madame Martinet. On a Madame Martinet. Mais Monsieur Martinet devrait peut-être répondre si on nous raconte pas des salades. Oui, parce que c'est les salades, c'est Martinet. C'est les salades qui fait le... Mais écoutez, on a faim, on a envie de savoir pourquoi il fait des salades depuis 30 ans, le monsieur. Ben on oui. fait ça après la pub. Et je viens d'apprendre, moi, il n'y a pas que sur les vêtements qu'on fait des soldes. C'est-tu bien avec l'autre, la carrelage grillée? Il fait des soldes aussi, lui. Mais comment est-ce qu'il fait, donc, ce gars-là? Déjà toute l'année, c'est bon marché, voilà qu'il refait des soldes dessus. Écoute-moi bien, je vais refaire toute ma salle de bain, ça va me coûter moins cher qu'un paletot, tu. Carrelage grillée, bien joué, hein, gros! Carrelage grillée, il ne laissera pas indifférent. Carrelage grillée est ouvert ce dimanche 3 juillet de 13 à 18h. Carrelage grillée, il ne laissera pas indifférent. Rue Hollène 59 à Verviers et sur carrelage-grillée.be. Carrelage Grilly est ouvert ce dimanche 3 juillet de 13 à 18h. Les soldes XXL dans les 75 magasins Krefel et sur krefel.be, ça commence vendredi. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Soldes à Maas-Mechelen Village. Demain, profitez de réductions allant jusqu'à moins 50% sur les prix outlets. Venez faire un shopping tardif jusqu'à 21h dans plus de 100 boutiques de luxe. L'été commence ici. Tous les détails sur maasmechelenvillage.com. Ce dimanche 3 juillet est un bon jour pour se mettre au vert. Parce que Macro est ouvert. Il est ouvert à partir de 9h. Venez profiter des super soldes et d'une réduction de 30% sur un article au choix dans le mobilier de jardin. Jardin dans lequel vous pourrez boire un verre pendant que vos enfants chassent les vers et que votre cousin poète écrit des vers. Et que... Oui, bon, enfin, ce qui est sûr, c'est que si vous ne profitez pas de ces soldes et de cette réduction de 30%, vous serez vert. Alors, dimanche, vous allez vert ? Vert Macro, vous avez tout compris. Vivacité et la Une présente les musicales de Belœil 2016. Place à la danse, 8 heures de programmation, des centaines d'artistes et des projets chorégraphiques pour petits et grands. Venez profiter de découvertes musicales dans une ambiance festive et familiale, sans oublier le feu d'artifice. Les musicales de Belœil, le 6 août dès midi. Infos et réservations, lesmusicalesdebelœil.be ou Ticketmaster avec la Libre Belgique. Tu ne vends sous Elements ? Moi, j'ai aucune confiance dans ces saucisses. Ah bon ? Elles ont quand même l'air bonnes. Ouais, non, elles cachent quelque chose, mais je... Enfin... Écoute, pour les faire parler, je vais les mettre sur le grill. Ah oui, j'ouvre déjà la sauce samouraï. Oui. La samouraï qui fait parler d'elle, la voilà. De vos Slimane's. À table. C'est délicieux, délicieux. Que c'est bon. Voilà. Comme tous les jours, on mange en direct à l'antenne. Il n'y a pas de raison qu'on s'arrête, même à deux jours de la quille, même à deux jours des vacances. Nous avons devant nous des salades. Il y a plein salades. De trucs. Ouais, non, des taboulés. Alors, quand on n'a pas envie de faire un taboulé, on va au magasin, on en achète un tout fait. Et dans ceux qu'on peut trouver tout fait facilement, il y a les salades... Martinet. Martinet, évidemment. On a Pierre Martinet en ligne. Bonjour, monsieur Pierre Martinet. Bonjour. Alors, numéro 1 des salades traiteurs taboulés en France. Numéro 2... En Europe, après 30 ans, c'est confortable comme place, finalement. Oui, c'est confortable, c'est confortable. Il faudrait être numéro 1, ce qui serait encore mieux. Mais bon, aujourd'hui, nous développons surtout dans un métier de la qualité. Hein, nous sommes toujours très attachés à faire des produits. Moi-même, je suis charcutier cuisinier et je suis toujours à la tête de l'entreprise. Donc, c'est le côté artisanal qui prime. Mais alors, il y a 30 ans, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Pierre Martinet il y a 30 ans, en se disant je me lance dans les salades traiteurs, les salades toutes faites? Nous faisions déjà des salades de museau. Et donc, je suis charcutier traiteur. Ouais. Et donc, il y a 30 ans, quand j'étais à Paris, eh bien, nous vendions des salades. À Chamonix, c'était la même chose. Ouais. Et des salades que j'élaborais. Et donc, je dirais qu'elles n'ont pas tellement changé par rapport à ce moment-là. Le taboulé n'existait pas il y a 30 ans, hein, où il existait tout juste, mais donc on l'a créé, nous avons créé ce produit-là, qui est quand même très différent du taboulé libanais. Alors maintenant, il y a beaucoup de choses dans la gamme, hein. Il y a du houmous, il y a des jus de fruits, il y a des smoothies, il y a vraiment, vous êtes vraiment, vraiment beaucoup développé. Est-ce qu'on peut encore parler d'artisanat aujourd'hui? Vous nous disiez c'est de l'artisanat, mais ça devient de l'artisanat industriel. C'est de l'artisanat industriel, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion artisanale du produit. Comment nous allons trouver les matières premières? Comment nous allons les élaborer? quel matériel nous faisons. Donc, je vous dis bien, je suis encore tous les jours dans l'usine. Et quelle est la quantité de produits qui sortent tous les jours de vos usines? C'est des tonnes? Ah oui, aujourd'hui, nous sommes dans la zone des 400 tonnes dans la journée, oui. Ah, quand même. Oui. Ah ouais, ça fait beaucoup. Le soleil il est très intéressant pour les ventes, pour la consommation. Pour la consommation comme cela ou avec le barbecue. Donc, c'est clair que c'est très, très important. Il n'y a plus qu'à attendre le soleil et on pourra faire des barbecues. Merci, M. Martinet. Juste une question, M. Martinet. C'est votre vrai nom, Pierre Martinet? Mon vrai nom, c'est Pierre Martinet. C'est moi le charcutier et c'est moi qui fais la communication. Pierre Martinet, le traiteur intraitable. On fait tout. Merci en tout cas d'être passé sur Vivacité, M. Martinet. Les photos, les cadres sont pourtant bien là, vestiges de gloire, douloureuse joie, vidée de l'histoire. Il était une fois un île, une aile, et l'aile s'envola. Je vais funambule sur un fil de verre, toutes mes pendules tournent à l'envers. J'amasse les heures entre toi et moi, graveur de rancœur et d'effroi. Il faudrait en rire, c'est tellement banal. Mais le tragédie a de balles. Je sais, il y a bien pire. Je sais, l'hôpital. Mais puis-je au moins dire que ça fait mal? Sur Vivacité avec le titre Après toi. Il est 12h30. Le titre de l'info avec Julie Buron. Bonjour Julie. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Avant de passer au titre du 13h, cette information qu'on vient d'apprendre. À Bruxelles, la station de métro Louise a été évacuée à cause d'un colis suspect. Conséquence, la circulation des métros 2 et 6 s'est interrompue entre les stations Trône et Hôtel des Monnaies sur ordre de police. Par ailleurs, une alerte à la bombe a été signalée via les réseaux sociaux à la rue Sainte-Marie à Scarbeck. Des voitures de police sont sur les lieux et l'une d'entre elles coupe la circulation des trams à hauteur de l'arrêt Gillon. Les cahiers au feu et la maîtresse au milieu, c'est ce que dit la chanson. La réalité est souvent tout autre. Ce 30 juin, dernier jour d'école, est souvent dédié aux dernières formalités, mais pas seulement. Nous nous sommes rendus dans une école de Mons et ce matin, eh bien, les rétos de l'école du futur recevaient leur diplôme dans une ambiance de fête avant de 2 mois de repos bien mérité. Le reportage à 13h. Une convention pour diminuer l'utilisation des antibiotiques dans nos exploitations agricoles, elle va être signée aujourd'hui. Trop d'antibiotiques nuit à la santé animale, à la santé humaine ainsi qu'à l'environnement, notamment parce que les bactéries deviennent résistantes, d'où cette convention. Cela dit, de nombreuses exploitations ne l'ont pas attendu pour réduire leur utilisation d'antibiotiques dans nos fermes. Et puis dans le journal de 13h, on prendra bien entendu des nouvelles d'Eden Hazard. Le capitaine des Diables est incertain pour le match de demain. Il ressent une douleur au quadriceps. Nous demanderons à nos envoyés spéciaux si Eden Hazard a pris part ce matin à l'entraînement. Voilà Sébastien, l'essentiel des titres qui seront développés dans le journal de 13h. On vous retrouve tout à l'heure 13h. Merci Julie. On n'est pas des pigeons. When the leaves turn brown, I watch them burn across the sun and above the clouds. The sirens clear. I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I'll save you, a miracle that was meant. I'll save you, you save me, a miracle at every beat of my heart. Every beat of my heart. Every beat of my heart. You save me, I save you, a miracle that was meant for two. Julianne Peretta sur Vivacité avec Miracle. Et c'est quoi ton problème? Nous? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. C'est Peter qui a un problème. Bonjour Peter. Oui, bonjour monsieur. Vous habitez Dour. C'est bien ça, oui. Et vous avez un problème avec votre courrier. C'est bien ça. Mais un solide problème. En gros, il n'y a rien qui arrive, c'est ça? Il y a quelques courriers qui arrivent quand même. Et pourquoi ils n'arrivent pas tous? Voilà, parce qu'en fait, j'habite à Dour, à la rue du Coron du Bois, numéro 17. Rue Coron du Bois, en quatre mots. Voilà, c'est ça. Et alors, ben, ça fait 4 ans que j'habite là, et je me rends compte que l'entièreté de mon courrier n'arrive pas à la maison. Et l'arrivez-vous alors? Donc, de là, j'ai un peu investigué, et je me suis rendu compte qu'à Dour, il existait la rue du Coron, tout simplement. Donc vous êtes rue Coron du Bois et il y a également la rue du Coron tout court. C'est bien ça. Dans la même localité, Dour. Ben oui, il y a des corons là-bas, hein. C'est au nord, c'est au sud. En Belgique, pour la Belgique, c'est le sud. Oui, mais là, dans la chanson, c'est au nord. D'accord. Bon, et alors, et à la poste, ils disent quoi alors? Ben alors, donc déjà, je me suis rendu directement à cette rue du Coron. Mm-hmm. Et j'ai rencontré une dame de 90 ans. Qui habite au même numéro que vous. Voilà, au numéro 17 de la rue du Coron. Et donc, elle m'a affirmé tout de suite recevoir régulièrement mon courrier. D'accord. Oula. Et à la poste, vous avez été à la poste. Voilà, donc de là, je me suis rendu au bureau de poste de Dour. Oui. Et eux ne savaient trop rien me dire. Ils m'ont directement dirigé vers le service clientèle par téléphone. Et là, on vous dit quoi au service clientèle? Et là, on me dit de déposer déjà une plainte pour, ouais, pour que eux puissent se retourner, voir un peu ce qui se passe. Ouais. Et donc, déjà, ça fait 2 mois. Ça va bientôt faire 2 mois et j'ai toujours pas de nouvelles, à part une petite lettre qui me dit « on va investiguer ». Le problème, c'est que la lettre, elle est arrivée chez la dame. Chance. Dans ces cas-là, on téléphone du côté de la poste et nous avons Barbara Van Speybroek, la porte-parole en ligne. Bonjour Barbara. Bonjour monsieur. Ça arrive souvent ce genre de choses? Ça arrive quand il y a dans une commune deux adresses qui se ressemblent tant comme l'exemple de monsieur. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que la faute se fait au niveau de la machine de tri. C'est automatisé en fait. Absolument. Donc le tri, c'est un processus qui est complètement mécanisé, qui est à 100% automatique. Et donc... ici, le souci, c'est que la machine de tri va affecter trop vite le nom de la rue à une certaine tournée, donc sans regarder en fait la suite de l'adresse. Donc la machine n'est pas si intelligente que ça? Ben non, ce sont quand même des machines assez intelligentes, et donc on essaye, chaque jour, on essaye d'éviter ce type d'erreur avec du nouveau logiciel, avec de nouvelles databases. Mais c'est toujours possible. Mais il y a aussi un autre cas, c'est que des fois, c'est ainsi un cas de mauvais adressage. L'expéditeur s'est trompé lui-même. Ouais. C'est envisageable à nouveau dans le cas où deux adresses sont très similaires. Ou, troisième cas, c'est une faute humaine du facteur. Oui, parce que là, ici, en l'occurrence, rue Coron-du-Bois et rue du Coron. J'ai dit, il y a quand même... Après... Ok, d'accord, il y a une erreur de la machine de tri qui est automatique, peut-être. Mm-hmm. Mais il y a un être humain, à la fin, qui tend son bras, qui va dans sa petite sacoche et qui va dans la boîte aux lettres. Voilà. Il voit quand même l'adresse. Il voit que c'est pas la bonne. Mais pas toujours, parce que donc les deux roues sont distribuées par deux autres facteurs, donc c'est pas le même facteur, ce sont deux autres facteurs. Et comme vous dites, le facteur, il va avec sa main dans la poche, il prend le pilier et il le met dans. Il va pas chaque fois regarder. C'est son job en même temps de mettre la bonne adresse dans la bonne boîte. Peut-être aller tellement vite que finalement il jette juste un coup d'œil sur l'adresse. Donc c'est une automatique. Mais donc dans le cas de monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que ça n'arrive plus, puisque même sa déclaration d'impôt il n'a pas reçu. Oui, ma déclaration d'impôt, tous les documents liés à la banque, des rappels de factures. Voilà, des rappels de factures. J'ai juste qu'à été à avoir un huissier devant la maison. À cause de ça. Pour une facture d'hôpital, ouais, que je n'aurais pas payé. Alors elle n'est pas arrivée. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il y a différentes choses qu'on peut faire. Il y a quelque chose au niveau de la commune, première chose, c'est des fois les communes, ils vont simplifier des adresses. Ils changent le nom de la rue. Ça n'a pas toujours seulement des conséquences pour Riposte, mais aussi pour des autres services. On est d'accord. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que nous, on peut faire, c'est que ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'au niveau du centre de distribution pour la commune de Dour, on a renforcé le processus et on a mis en place des extra-contrôles sur les deux adresses. D'accord. Donc il y a des choses qui se passent. Et donc, pour faire en sorte que... Dans le futur, cela on l'a fait depuis la semaine passée, pour faire en sorte que monsieur reçoit son propre courrier et la dame aussi naturellement. Mais pour les frais d'huissier de monsieur, est-ce qu'on peut obtenir un dédommagement puisque c'est quand même une erreur de la poste à la base qui a engendré ces suppléments? C'est surtout aussi mes déplacements que j'ai dû dépasser à multiples reprises jusqu'au bureau des impôts maintenant qui se trouve à Mons, donc à une 15-20 km de la maison. Est-ce qu'une compensation est possible de la part de la poste, Barbara? Là, il faut regarder les conditions générales qui disent que Bpost ne prévoit pas de déménagement dans ces cas-là.

Des années 70, 74 de mémoire, je dirais. Simon et Garfunkel avec Mrs. Robinson. Sur la page Facebook, vous réagissez pas mal. Qu'est-ce qu'on dit? Les gens, ils disent quoi? Mais oui, on vous demandait si, puisqu'on parlait tout à l'heure des dates de consommation à consommer, juste, de préférence avant, jusqu'au, etc. On vous demandait, vous, est-ce que vous consommez encore une fois que la date est passée? Alors Isabelle nous dit qu'elle est grande consommatrice de produits périmés. Ça me rend malade de voir que des... Ah, ça la rend malade. Ben voilà, ça commence. Ça me rend malade de voir que des choses partent à la poubelle alors qu'elles sont parfaitement consommables. Barbara nous dit que ça dépend du produit. En général, tous les yaourts, je les consomme encore facilement 3 semaines après la date. Les filets américains, encore 3 semaines après la date. Pour les fromages, je les congèle. Certaines charcuteries transitent par le congélateur aussi avant de finir dans une sauce ou une lasagne maison. Aussi, voilà. C'est... Pour le chien. Oui, c'est ça. Alors, Barbara nous dit ça dépend du produit. Barbara, je viens de vous lire. Nathalie, de préférence avant, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, oui, on peut dépasser sans souci la date à consommer avant le. Plus risqué, mais sachant qu'il y a une date de péremption sur les paquets de sel, 3 petits points. D'accord. Ouais, le sel qui, évidemment, est un peu... Alors attention, parce que nous avons... Bon, après, il y a les autres, hein, y a ceux qui ne dépassent pas d'un jour. Et puis, on a quand même Françoise... Qu'est-ce qu'il dit, Françoise? Qui... Non, attendez, Wendy, attention. Voilà, c'est ça. Ah oui, mais non, Françoise qui s'appelait Wendy, ça existe, hein. Je vous ai dit que c'était difficile aujourd'hui. Wendy, elle a quand même consommé une conserve d'escargot dont la date était périmée depuis... Je vous laisse deviner. Deux ans. J'ai aucune idée. Qui dit mieux? Je ne sais pas. Quatre ans. Qui dit mieux? 5 ans. 10 ans. 8 ans. Tu dis pas mal. Elle nous dit qu'elle n'a pas été malade. C'est le record de la maison. Vous savez ce qu'on peut demander aux gens? C'est un super record. Piochez dans vos armoires. Faites le tour de vos armoires. Regardez les paquets, les produits les plus périmés que vous avez, les dates les plus anciennes. Vous les mettez de côté. On se propose d'aller les collecter à la limite pour faire une grande dégustation de produits méga périmés. Ça pourrait être drôle, ça. On se fait une bouffe, comme on dit. Non, mais sérieux. Moi, je suis pas là ce jour-là, je suis désolé, je suis absent. Non, mais il y a peut-être des choses dans les armoires qui ont, je sais pas moi, si c'est des pâtes qui ont 25 ans. Et alors, c'est encore consommable, évidemment. Surtout si vous êtes dans votre cave, regardez s'il y a des bouteilles de vin qui sont périmées depuis 1975, tout ça. Vous pouvez nous les donner. Pareil pour les bouteilles qui sont des années 60 aussi. On prend, on fait une grande dégustation. On vous invite ou pas, on verra l'âge des bouteilles, on se débrouillera. Non, mais ça pourrait être drôle. Si vous avez des trucs vraiment très anciens, dites-le nous pendant les vacances sur la page Facebook. On va terminer sur cette page Facebook dans quelques instants pour un coup de gueule, un coup de cœur, un coup de... Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez tous les quarts de finale au plus proche de l'action. Pologne-Portugal, à suivre en direct ce jeudi soir sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Ce week-end, vous allez suivre les Belges sur écran géant. Allez, allez, allez.

dès 19h, découvrez les plus beaux moments de U2 Innocence plus Experience Life in Paris. Le témoignage de leur dernière tournée mondiale sortie en DVD. Ce samedi, U2 est en concert à 19h sur Vivacité. On n'est pas des pigeons. Pas de coup de gueule, pas de coup de cœur, rien du tout pour terminer cette émission, mais un coup de fil à Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Hier, on réglait un solide problème avec vous. Hein. Oh, et oui. En gros, on rappelle l'histoire, hein, Frédéric. Voilà, ben Vincent avait placé sa bague de mariage, il se marie après-demain, c'est même demain maintenant, hier c'était après-demain, aujourd'hui ouais. C'est demain, chez son bijoutier, qui l'a renvoyé par la poste, mais la poste avait égaré le recommandé, et on ne retrouvait plus, hier. On ne trouvait plus la bague, mais on et l'a retrouvée. Donc, la bague, vous les avez, elles sont là. Oui, j'ai été la chercher ce matin, et on a les deux bagues. Oh, mais c'est génial. Et on, c'est sent on sent l'émotion dans la voix. C'est beau, les tourtereaux des pigeons vont se marier. Comme oui, tout est prêt. Oui, c'est ça, tout oui, est prêt. Tout est prêt, mais c'est parfait, on va pouvoir se concentrer sur la suite. Maintenant, je tiens vraiment à vous remercier parce que j'ai marqué des points auprès de ma belle famille grâce à vous. On est là pour ça. J'espère que ça va diminuer la dot que je dois donner à mon beau-père, mais bon, on verra. Mais écoutez, ce qu'on a reconstruit. Mais maintenant, plus sérieusement, c'est magnifique, on est vraiment soulagés. On est ravis de la suite, plus qu'à espérer un peu de soleil pour demain. Et mariage à Marchin, dans la région de Marchin. Plein de bonheur à vous et à madame. On a entendu qu'ils se concentrent déjà sur la suite. La suite, c'est pour la nuit de noces, donc voilà, oui, amusez-vous bien. On va pas bien. Les déranger. Hein. Et ouais. Amusez-vous bien et bonne chance pour le reste. Voilà, c'est ça qui clôture l'émission du jour sur une belle nouvelle. Si vous avez des choses à nous dire, profitez. On est encore là pendant quelques heures avant l'acquis et demain, on s'arrêtera pour quoi, un mois. Oui, un mois et demi. Oui, notre page Facebook vous attend toujours. Hein, on n'est pas des pigeons, elle restera active tout l'été. Vous pouvez aussi nous envoyer des mails à l'adresse pigeonpluriel@rtbf.be. Et puis notre répondeur, c'est 070 222 660. Thomas Lerides, la vie du bon côté, c'est vous qui prenez la suite, Thomas. Ouais, les vacances sans stress à quelques heures du départ. Est-ce que vous avez tout préparé, Sébastien ? J'ai rien préparé. Rien. Vous faites mais comme ça pour les vacances. Ça va encore être le stress de dernière minute. Vous laissez madame faire peut-être ouais, aussi. Oui, c'est ça, bien sûr. Très bien, très bien. Il y a d'autres moyens de partir en vacances avec l'esprit libéré. C'est ce qu'on va voir cet après-midi puisqu'on va s'intéresser à la période de vacances à partir de l'article du magazine Femmes d'aujourd'hui. Des vacances sans stress, ça se prépare. En ce dernier jour du mois de juin, on va se pencher sur le dossier avec l'article qui commence comme ceci. Stress des derniers préparatifs, planning chargé, multiples sollicitations, embouteillages. Voici donc 8 conseils pour que vos vacances ne ressemblent pas à une semaine de boulot. Je propose de venir prendre part à la conversation tout à l'heure en nous disant comment vous avez quitté votre boulot sereinement, comment vous allez ralentir petit à petit votre rythme avant de partir en vacances et pas forcément du jour au lendemain. Comment vous checklisterez peut-être vos bagages pour ne rien oublier, comment vous allégerez votre programme de vacances, comment vous fuirez vos mails, comment vous prendrez du temps pour vous ou encore comment vous allez lâcher prise durant cet été. Dites-nous comment vous faites pour optimiser le départ en vacances. C'est Christelle Gilquin qui est l'auteur de l'article qui sera votre invité. Et vous pouvez déjà réagir par le Facebook de La Vie du Bon Côté ou alors par SMS 3063. On se retrouve après le journal et la météo. Très belle journée à tous. Dernier jour de juin, mais malheureusement, ce n'est pas une météo estivale qui nous attend, puisque cet après-midi, on aura peu de changements par rapport à ce matin, si ce n'est vraiment quelques timides rayons de soleil sur la région côtière. Ailleurs, le ciel va rester chargé, on aura toujours un risque d'averse, des pluies un peu plus fortes même sur l'axe entre le Hainaut et la Campine. L'ambiance est toujours fraîche, avec 3 degrés en moyenne sous les normales de saison. Ce soir et cette nuit, les averses les plus importantes vont se décaler au sud du Sion sans Brémeuse, à l'ouest du pays, le ciel va rester couvert mais les précipitations seront bien plus rares. Les minima iront de 13 à 16 degrés. Le premier jour des vacances, nous aurons le même schéma avec une matinée grise et humide. Dans la journée, des averses plus fréquentes, peut-être un peu plus soutenues également. Et le mercure restera bloqué entre 17 et 21 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 13h. Dernier jour officiel d'école ce 30 juin, avant un repos bien mérité. La journée est souvent consacrée aux formalités. Parfois, c'est aussi une journée d'émotion, celle de la remise du diplôme. Moins d'antibiotiques dans les élevages agricoles, c'est ce que préconise une convention signée aujourd'hui. Mais vous l'entendrez, de nombreux éleveurs ont déjà bien diminué l'utilisation de ces médicaments. On prendra aussi des nouvelles des diables dans ce journal, d'un diable surtout, Eden Hazard. Pas sûr qu'il joue face au Pays de Galles vendredi soir. Si c'est le cas, on espère que Mark Wilmots a un bon plan B. 13h, votre édition Julie Buron. Bonjour Julie. Bonjour à tous. 30 juin, c'est le dernier jour officiel de l'année scolaire. Dans la plupart des établissements, les classes sont déjà vides. À l'école du futur à Mons,